Ces désirs-là, tu peux les connaître sur une échelle de temps variable. Tu peux savoir que dans 2 ans, tu peux savoir que dans 10 ans, ou tu peux savoir que dans 15 ans, tu vas avoir telle chose, telle chose, telle chose, parce que ça va être important pour ta vie dans ce moment-là. Parce qu'un désir qui est créé chez l'homme inconsciemment, tu peux l'avoir puis tu peux ne pas l'avoir. Ça peut être un désir qui fait partie de ton expérience. Ça peut être un désir qui va te maintenir, te donner un petit peu de courage en attendant, ainsi de suite. Mais lorsque l'homme crée son désir, il crée quelque chose dans l'avenir qu'il doit avoir et qu'il aura. Mais la condition, pas la condition pour qu'il l'ait, mais la condition de vie liée à ce désir-là, c'est sa capacité de travailler avec le temps. Et les hommes ne savent pas travailler avec le temps parce que les hommes ne sont pas conscients des lois de la forme. Ils ne sont pas conscients des lois expérientielles et ils ne sont pas conscients des lois du pouvoir de l'intelligence. Les hommes ne réalisent pas que si un homme crée un désir consciemment, et qu'il sache que ce désir-là va se réaliser dans 2-3 ans, les hommes ne réalisent pas qu'il y a des événements qui sont nécessaires pour que ce désir-là, une fois concrétisé, convienne à l'homme parfaitement. Si l'homme met son nez dans ce qui ne le regarde pas, autrement dit, si l'homme vit au niveau de son corps de désir personnel, il va probablement, ou il peut avoir son désir, mais le désir qu'il va avoir va lui servir expérientiellement au lieu de lui servir sur le plan de sa vie intérieure et extérieure. C'est évident que si un homme a de l'argent et il veut s'acheter quelque chose, il peut l'avoir. Ça, c'est le corps de désir. Mais si un homme est conscient et a de l'argent et qu'il s'achète quelque chose, il ne peut pas se l'acheter en fonction de son corps de désir. Il peut se l'acheter selon des conditions qui conviennent à son intelligence et qui conviennent au temps de son intelligence. C'est pas parce qu'un homme a de l'argent, quand il est conscient, qu'il peut avoir tout ce qu'il veut quand il veut, parce que quand tu es conscient, tu peux pas avoir tout ce que tu veux quand tu le veux, parce que tu n'es pas capable de créer le désir. Quand tu es conscient, tu peux pas. C'est pas ton corps de désir qui t'amène les choses que tu as besoin quand tu es conscient. C'est l'intelligence dont tu prends conscience qui te fait réaliser la nécessité de cette chose-là. Parce que quand tu es inconscient, au niveau de tes émotions et de ton intellect, tu créeras un désir qui ne conviendra pas à ta vie, mais qui va convenir à ton existence et qui peut te créer des souffrances dans l'avenir au lieu de te créer un environnement humain, ce sont des choses matérielles, qui amoindrisse ta souffrance et qui te rend la vie plus facile. Je veux parler un peu de la différence entre ces deux aspects-là, puis en relation avec le temps, parce que c'est bien important si on peut en arriver à le comprendre. Un homme qui sait, un homme qui est dans l'intelligence, un homme qui sait, il sait ce qu'il a besoin, automatiquement. Mais ce qu'il sait qu'il a de besoin ne vient pas ou n'est pas une création de son corps de désir. C'est-à-dire que ce n'est pas une création de son émotion, de son intellect. Il le sait par un autre. Il le sait selon sa relation avec un autre plan plus haut que l'intellect et l'émotion. De sorte qu'il ne peut pas avoir cette chose avant un certain temps. Et plus il est intelligent, plus la chose qui est formée en tant que désir en lui sera difficile à atteindre. Parce que c'est l'intelligence qui crée le désir, c'est plus le corps de désir. De sorte que l'intelligence peut créer des désirs qui sont très difficiles à atteindre, de sorte que ça nécessite plus de temps, de sorte que ça nécessite certaines conditions particulières. Tandis qu'un homme qui fonctionne au niveau de son corps de désir ne créera pas de désirs qui ne conviennent pas à sa condition présente. Exemple. Un homme qui a un corps de désir qui fonctionne au niveau de son corps de désir qui ne fonctionne pas au niveau de son intelligence, puis qui fait un salaire de 5000 pièces par année, il ne va pas aller s'acheter une maison de 200 000 pièces. Parce que son corps de désir n'est pas capable d'assumer cette réalité-là, parce que ça ne convient pas à l'intelligence de son désir. Tandis qu'un homme qui est dans l'intelligence et qui fait 5000 pièces par année, il peut aller s'acheter une maison de 200 000 pièces. Parce que l'intelligence de son désir va lui indiquer ça. Mais l'intelligence de son désir va lui indiquer que c'est dans à peu près 10 ans, ça. Fait qu'automatiquement, lui, il est forcé de vivre la temporanéité de son désir intelligent ou créatif. De sorte que pendant des années, il va vivre la tension créative de ce désir-là. De sorte que pendant des années, il va créer les conditions nécessaires pour que dans 10 ans, il aille chercher sa maison de 200 000 piastres. Que 10 ans auparavant, il ne pouvait pas aller chercher. Mais que 10 ans auparavant, il savait qu'il irait chercher. Comprenez-vous vous dire? Un homme qui est dans l'intelligence du désir ou qui crée des désirs intelligents, autrement dit, qui crée des désirs qui sont en fonction de son plan de vie réel, qui sont en fonction de sa destinée, aura les désirs créatifs qui conviennent à son intelligence et qui conviennent à son plan de vie, qui conviennent à son tempérament et qui conviennent à son caractère. Il ne pourra pas avoir des désirs qui ne conviennent pas à son tempérament, qui ne conviennent pas à son caractère. Tandis qu'un homme qui est inconscient va créer des désirs par le biais de son intellect et de son émotion qui ne conviennent pas nécessairement à son intellect et à son caractère. De sorte qu'il va finir avec tout ça de bébête, ça ne va pas partout. Tu vois ça, tu vois des gens riches, tu rentres dans leur maison, ça ne se tient pas. C'est parce qu'ils sont riches. Parce que le gars est bien riche, il parle une télévision d'une sorte, puis des bas d'une sorte, puis des cravates d'une sorte, puis un char d'une sorte. Mais ça ne convient pas. Le gars, il a une grosse Rolls Royce, mais ça ne convient pas. Il n'a pas la classe. Prends une grosse Rolls Royce, c'est la classe. C'est pas de classe, tu dis, non, tu as un Ford. Là, ça te convient, le Ford. Comment est-ce que tu dis? Il y a une relation entre une Rolls Royce. Une Rolls Royce, c'est une forme qui a une vibration. Donc, si tu conduis une Rolls Royce, il faut que tu aies la classe pour aller avec. C'est pas de classe. Ça veut dire que tu n'as pas le caractère de la forme qui convient à la forme. Donc, si tu conduis une Rolls Royce, tu vas aller sans dessin. Les gens vont dire que non, bien sûr. Souvent, tu vas voir des nouveaux riches comme ça qui se promènent en Rolls Royce parce qu'ils ont de l'argent. Tu es des barbus, là. Ils rock'n'roll, ils ont bien d'argent, là. Ils sont tous décrotés, là. Puis ils se promènent en Rolls Royce. Ça ne convient pas pendant tout. Ça ne marche pas. Les gens vont rire. Ils vont boire partenir au jet set. Mais ça ne marche pas. Ça veut dire? En tout cas, je sais ce que je veux dire. Sorry. Parce que c'est le corps de désir qui crée la situation. C'est pas l'intelligence qui crée le désir de la situation. Et l'homme doit apprendre à créer des désirs de par l'intelligence, autrement dit, savoir son avenir. Savoir l'avenir de ce qu'il va avoir sur le plan matériel. Et être capable d'attendre ça. Sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, apparemment. Puis éventuellement, il va découvrir la condition particulière, parfaite de cet objet-là. Puis ça va convenir parfaitement à sa personne. Il va être très bien avec, puis il va l'aimer sans en faire, et ainsi de suite. Mais pour travailler avec le temps, c'est pas facile. Parce que pour travailler avec le temps, il faut être enlever quelque chose par l'intelligence. Pour que tu puisses travailler avec le temps, il faut que l'intelligence t'enlève quelque chose. Alors, l'intelligence, qu'est-ce qu'elle t'enlève? Elle t'enlève. Ce qui t'intéresserait aujourd'hui, parce qu'elle te crée des choses qui sont au-delà de ce que tu peux faire aujourd'hui, mais que tu sais que tu peux avoir demain. Mais que tu ne peux pas avoir aujourd'hui. Plus tu es intelligent, plus tes goûts sont raffinés. Plus tu es intelligent, plus tes goûts sont loin. Plus tu es intelligent, plus tes goûts sont particulier. Plus tu es intelligent, parce que plus tu es intelligent, plus tu as le pouvoir de créer des désirs qui sont pas un petit peu en dehors de la norme. Parce que quand tu es intelligent, tu n'es pas intéressé à vivre une vie qui... qui est ordinaire. Quand tu es intelligent, quand tu es dans l'intelligence, je parle, tu es intéressé à vivre, tu es obligé de vivre une vie qui n'est pas ordinaire. Fait qu'aussitôt que tu commences à vivre une vie qui n'est pas ordinaire, mais tu vas regarder des choses qui ne sont pas ordinaires. Tu vas regarder des vêtements qui ne sont pas ordinaires, tu vas regarder des chars qui ne sont pas ordinaires, tu vas regarder des maisons qui ne sont pas ordinaires, des bateaux qui ne sont pas ordinaires, des avions qui ne sont pas ordinaires, des voyages qui ne sont pas ordinaires. Tu n'es plus capable de vivre ordinairement parce que tu n'es plus ordinaire. Tu as entendu? L'homme est ordinaire parce qu'il fonctionne au niveau de son corps de désir. Puis les grands magasins Eaton, Woolworth, Simpson, Zellers, ils fonctionnent au niveau de ça. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu vas chez Eaton, Zellers, puis Woolco, puis tu t'achètes des meubles, au bout de 2 ans, tu échanges parce qu'ils n'ont plus de vibrations qui coïncident avec ton évolution. Fait que tu achètes des meubles, puis 2 ans après, tu n'es plus content. Tu n'es plus intéressé. Ah, il est à neuf. Quand il est à neuf, la forme est à belle. Mais tu n'as pas regardé la construction des springs, tu n'as pas regardé la construction du matériel, tu n'as pas regardé la finition du bois, tu n'as pas regardé. Fait que tu t'es acheté des meubles, puis c'est à bon que tu t'es achètes parce que tu avais le porte-monnaie pour ça, mais tu t'es acheté des meubles selon ton intelligence. Tu t'es pas acheté des meubles selon ton autre intelligence. Tu t'es acheté des meubles selon ton émotivité, ton corps de désir, mais tu t'es pas acheté des meubles selon un autre niveau de ton intelligence qui t'aurait fait obligatoirement attendre ou acheter des meubles temporairement pour que tu puisses t'asseoir. Quitte plus tard à t'acheter des meubles que tu peux garder toute ta vie. Parce que quelqu'un qui se construit une maison ou qui se bâtit une maison devra s'acheter des choses qui ne changent plus. Quand tu t'achètes un meuble, il faut que ce soit pour la vie. Je parle idéalement parlant. Quand je parle idéalement parlant, je parle intelligemment parlant. Tu ne jettes plus ce que tu as aimé. Parce que quand on rentre dans l'intelligence et qu'on regarde les objets dans le monde, on vit une tension. Puis si on est dans l'intelligence et on vit cette tension-là, mais à ce moment-là, elle nous bloque. L'intelligence nous bloque. Elle nous bloque, l'intelligence. Puis tu t'aperçois que si tu l'achètes l'objet, tu fais un compromis. Puis tu n'es pas capable de faire de compromis quand tu rentres trop loin dans l'intelligence. Fait qu'automatiquement, l'intelligence va dire, bon, mais attends, tu vas trouver, attends. Fait que tu es obligé d'attendre. Tu peux attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 2 mois. Mais t'attends. Mais un jour, tu vas trouver l'objet qui convient, puis à ce moment-là, tu vas le savoir, puis tu l'achètes final, tu fais l'argent, tout est là. Bam. Parce que tu sais travailler avec le temps. Pourquoi est-ce que les gens s'achètent des chars, puis qu'ils s'aperçoivent des citrons, parce qu'ils l'ont fait toujours vite? Si t'achètes un char, tu poses une demande au gars comment ça marche, il est-tu bon, il est pas. Tu sais vibratoirement s'il est bon, parce qu'un char, c'est une vibration. Le gars va dans un showroom, puis regarde en arrière, en dessous, puis il roule. Penses-tu que si tu avais un char sur ton mille, le gars va te dire qu'il y a quelque chose de brisé dedans? L'intelligence le sait, elle, c'est quelque chose de brisé dedans. Fait que si tu es en connexion avec ton intelligence, ils vont te faire sentir la vibration. Tu vois une petite vibration, tu vois une petite tension, tu ne sauras peut-être pas pourquoi, quelle petite vibration. Mais la vibration, elle dit, attends un peu, c'est pas le temps, c'est pas correct. Parce que quand tu achètes quelque chose en fonction de l'intelligence, c'est bien là. Tu n'as pas besoin de regarder en dessous, tu dis, oud, puis t'as pas ni, puis papa. Il y en a qui regardent, ils lèvent les capots. Tu rentres dans le magasin, tu lui dis au gars, c'est ça que je veux, tu t'en vas avec. Mais il faut sentir la vibration de l'intelligence. Du linge, c'est la même chose. Les gens vont s'acheter du linge, ils vont au magasin, ils l'essayent, ils l'envoient, ils arrivent à la maison, ils sont pas satisfaits, ils sont trompés. Il faut qu'ils le retournent encore. Comment est-ce qu'il y en a de femmes qui achètent du linge, puis qui partent du magasin, puis s'en vont à la maison, puis rendent à la maison, ils chantent, ils sont tous de ramener au magasin. Il y en a qui sont pas capables de se décider. Il y en a, ça leur prend 5 paires aussi avant de tomber sur la bonne, puis encore, ils tombent pas sur la bonne. Pourquoi? Parce qu'il fonctionne au niveau du corps de désir. La petite juive, la petite vendeuse est là, puis elle les pressionne. Fait qu'automatiquement, ils se font impressionner. Ils sortent avec la paix dessus, ils amènent ça à la maison, le bonhomme dit, qu'est-ce que c'est ça, c'est une crise d'affaires là. La bonne femme est toute croche, fait qu'elle les retourne. Les gens sont pas capables de travailler avec le temps. Quand tu vas dans les magasins, tu vas jamais magasiner des magasins, tu regardes. Si les gens allaient dans les magasins chez Eaton, une journée tu veux balancer des vibrations, tu t'en vas chez Eaton, ça balance des vibrations, tu regardes. D'un coup, ouais, tu t'achètes quelque chose que tu n'avais même pas pensé que tu t'achèterais. C'est cette affaire-là, il fallait que tu t'achètes. C'est pas l'autre affaire que tu avais pensé, il fallait que tu t'achètes. Tu arrives chez vous, puis tu t'es acheté l'affaire que tu ne devais pas t'acheter. Puis c'est celle-là que tu devais t'acheter. Mais si tu vas magasiner, tu vas t'acheter l'affaire que tu pensais que tu devais t'acheter, puis tu vas arriver chez vous, puis tu vas t'apercevoir que c'est pas la bonne affaire, ou que c'est temporaire, ou que ça fait partie du code de ton corps de l'église. Tu n'as pas besoin de penser. On ne devrait jamais aller magasiner chez Eaton. On devrait aller chez Eaton, marcher dans les allées et regarder. Laissez l'intelligence magasiner, elle. Elle, l'intelligence, elle sait si tes bas la semaine prochaine vont péter. Toi, tu ne sais pas encore. Fait que si tu vas acheter des bas, l'intelligence, elle jette 10 ans. Mais si tu commences à rationaliser et dis j'en ai deux paires à la maison, la semaine prochaine, tu vas être déporté, tu n'auras plus de bas. Tu vas dire maudit, j'aurais dû en acheter. C'est le même, ça marche. On ne sait pas travailler avec le temps. Pis c'est très subtil de travailler avec le temps. Parce que travailler avec le temps, ça force l'ego, ça force l'homme au niveau de son corps de désir de se désengager de son action pour ne s'engager dans rien et ne faire que suivre la vibration de son intelligence. Pis c'est pas facile. Moi, quand je me suis marié, j'allais chez Eaton avec ma femme. Une femme. Aussitôt qu'elle rentrait sur le premier plancher, c'était comme un joueur de hockey. Oups, parle là. J'ai dit, Chris, veux-tu me suivre? Là, tu me crées des tensions. Suis-moi. Ça, c'est au début, ça. C'est au début. Dis, suis-moi. Finalement, elle suivait. Mais c'était tough de temps en temps pour une petite salle. Regardant ma femme, Chris, elle était partie d'un bas de nylon, d'un culotte, d'un lampe. Là, je vibrais. Puis éventuellement, je vibrais, puis là, je créais des chats. Puis éventuellement, je vibrais, je créais des chats. Ça a pris 5 ans à comprendre comment travailler avec le temps. Fait qu'aujourd'hui, je m'en vais avec ma femme chez Eaton, elle est là, puis je suis là, puis on regarde, puis nos mouvements sont tous ensemble. Tout ensemble. Et dans son énergie, je suis dans mon énergie, c'est la même énergie, puis on est deux. Tout ouvre ensemble. Fait quoi? La vibration nous amène un clot de nylon, on y va d'un clot de nylon. Après ça, c'est d'un sofa, après ça, c'est ensemble. Tu te demandes pourquoi les gars ne sont pas intéressés à aller magasiner avec leurs femmes, je comprends. Lui, c'est les livres, puis les pipes. Les bâtons d'hockey, puis elle, c'est culotte de lignon, puis elle va s'y aller. Fait qu'ils se séparent, Chaitan. Tandis que moi, je fais deux. Elle vient des hockey, puis va des culottes de lignon. Mais c'est très dur à apprendre ça. Très dur. Travailler avec le temps. Puis une personne qui sait travailler avec le temps, qui sait suivre l'énergie et ne pas laisser son corps de désir faire interférence avec l'énergie, trouvera ce qu'il aurait besoin et ce sera parfait. C'est une des choses les plus difficiles. Et quand on ne travaille pas avec le temps, on fait interférence constamment avec l'intelligence. C'est comme ça que l'homme fait interférence avec l'intelligence. Parce qu'il ne travaille pas avec le temps. Le temps! C'est la condition vibratoire du rapport entre l'intelligence et le plan humain. Le temps, c'est la condition qu'impose l'énergie à l'homme. Le temps, c'est la volonté de l'intelligence sur l'homme. Si l'homme est dans l'intelligence, il est en harmonie avec ce temps-là, il a tout ce qu'il sait qu'il doit avoir. Ça n'a plus d'importance que ce soit dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Moi, je disais à ma femme dernièrement, j'ai dit, j'ai besoin d'un petit screen pour mettre autour de mon foyer. Tu sais, un petit screen pour mettre un foyer, il y a des pierres à terre. Là. Un genre de petite barrière en bronze. J'en ai besoin d'un. J'en ai besoin d'un. Ça veut dire que dans la décoration de ma maison, pour balancer cet aspect-là du foyer, j'ai besoin de ça. OK. Puis hier, je sais pas, je pense que c'est hier, il faut pas longtemps. Je suis allé sur Harry Grave, je suis rentré dans le magasin, je suis hop, mes yeux n'ont vu un, t'as là. Mais je ne l'ai pas acheté tout de suite. T'as pas le temps. Les bras. J'ai pris la mesure en chez nous. Puis j'ai pas appelé à bonne femme, j'ai dit que tu t'as pour l'appeler, je l'ai pas appelé encore. Parce que peut-être qu'il m'en trouvait un meilleur. Mais je suis là, je suis dans la vibration d'acheter cette petite barrière-là. Là. Je n'ai déjà vu. Puis peut-être mal prendre. Puis peut-être je ne le prendrai pas. Mais c'est pas le temps. C'est pas parce que j'ai pas d'argent pour le faire. C'est pas le temps. Si j'allais d'après mon corps de désir, là, je rentrerais, parce que moi j'aime bien ça les antiquaires, je rentrerais là des autres antiquaires, puis j'enverrais un autre meilleur, peut-être plus cheap, puis plus beau. Là, je dis le mot, j'ai été acheter celle-là quand j'aurais dû acheter celle-là. J'aurais une déception. Parce que moi, je suis facilement, facile pour moi d'avoir des déceptions, je suis névrosique. J'ai un œil pour le beau. Fait qu'automatiquement, j'attends. Mais je suis dans la vibration. D'ici la 3 semaines, je vais l'avoir. Je vais m'avoir. T'as dit peut-être celle-là, là? Ils vont pas me le dire parce que fouiller des éléments de surprise un petit peu dans ma vie. Sans ça, c'est faire comme une machine. J'aurai pas de plaisir. Mais je suis là, je l'attends. Travailler avec le temps. Puis là où vous faites le plus d'erreurs avec le temps, c'est quand vous achetez des grosses affaires comme des chars. Quand tu achètes un char, Charlie, c'est important de t'acheter un char. Le temps. Parce que si tu t'achètes un char trop vite, tu vas t'acheter un char puis tu sais pas si les cieux vont pas te péter parce que les autres le savent jusqu'à aller la faiblesse dans le métal. C'est ce qui est le plus dur pour nous autres de travailler avec le temps. On est totalement incapable de travailler. On ne sait même pas qu'est-ce que c'est de travailler avec le temps. Quand tu commences à travailler avec le temps, là, quand tu commences, tu n'es plus capable d'arrêter. Puis toute ta vie est en fonction de ça. Tu travailles toujours avec le temps. Que tu fasses numéro 1, que tu fasses de la peinture, tu fais numéro quoi? C'est toujours avec le temps que tu travailles. Si tu es écrivain, tu ne peux pas écrire quand ce n'est pas le temps. Quand tu peins, tu ne peux pas écrire quand ce n'est pas le temps. Si tu fais de la musique, tu ne peux pas faire de la musique quand ce n'est pas le temps. T'es toujours dans le temps. Fait qu'à ce moment-là, que c'est qu'il arrive quand tu commences à travailler avec le temps, tu commences à cesser de vieillir pour rien. C'est pour ça que les gens vieillissent trop vite parce qu'ils ne travaillent pas avec le temps. Ils commettent des activités, ils font des choses en dehors du temps. Parce qu'une fois que l'énergie de l'intelligence commence à se manifester suffisamment fortement, suffisamment fortement dans notre vie, on s'aperçoit qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Avant, on pouvait faire ce qu'on voulait. Mais là, on ne peut pas faire ce qu'on veut, là, Charlie. Là. On s'aperçoit que ça run en haut, ça run. Cette vibration-là, elle run, elle dirige. Puis comme on ne peut pas faire ce qu'on veut, on trouve ça tough au début. Parce qu'on est habitué à faire ce qu'on veut. On est habitué d'aller chez Tim quand on veut, puis d'acheter ce qu'on veut, puis se fatiguer des magasins. Parce que attendre l'événement créé par l'intelligence en relation avec soi, on n'a jamais connu ça. On a toujours fait ce qu'on voulait, selon notre corps de désir, notre libre arbitre. Puis ça va très loin de travailler avec le temps. Je vais vous donner un exemple. Moi, je sais très bien qu'il y en a parmi vous qui, un jour, dans un avenir suffisamment présent, prêt, vont vouloir se retirer, vont vouloir aller vivre à la campagne, vont vouloir avoir des petites maisons à la campagne, un environnement plus calme. Mais les petites maisons, les gens n'ont pas toute la chance d'acheter des petites maisons. Mais si les gens travaillent avec le temps, et qui leur est donné la nécessité d'avoir une petite maison dans leur intelligence, ce désir-là va se concrétiser. Mais s'ils ne travaillent pas le temps, ils vont avoir des maudites tensions, parce que le temps d'eux autres en haut, ce n'est pas notre temps, nous autres. Puis c'est rien qu'après un certain temps, après une certaine évolution, qu'on en arrive à avoir ce qu'on a besoin dans un temps suffisamment raisonnable, dans ce sens qu'on n'a pas à attendre trop longtemps. Parce qu'éventuellement, quand tu attends trop longtemps, tu perds trop d'énergie quand tu es trop sensible. Au début, tu souffres, mais après un certain temps, tu perds trop d'énergie. Fait que tu ne peux plus attendre trop longtemps. Tu ne peux plus vivre trop. Quand tu es bien dans l'intelligence, tu peux pas vivre trop en fonction d'un avenir trop loin. Il faut que ce soit suffisamment. Il donne des pensées pour proximatif. Mais quand tu commences à être intelligent, là, ils vont te donner des pensées pour dans 5 ans, puis dans 10 ans, c'est tough, c'est rien, maudit, ça. Puis quand t'es bien dans l'intelligence, t'as bien te raccourcir ça. Ils vont te donner des pensées rien que pour 2 mois, ou 3 mois, ou 6 mois. Ou ils vont te donner une pensée qui va être dans 10 ans, mais ils ne tardonneront plus, fait que tu n'y penseras plus. C'est pour ça que c'est important de comprendre la différence entre nos pensées subjectives puis les pensées réelles. Parce qu'on a les deux. Et souvent, nos pensées subjectives sont une déformation de la pensée réelle. C'est seulement quand la pensée est suffisamment réelle et à ce moment-là, elle vient selon des lois qui ne sont pas conditionnées par l'ego, qu'à ce moment-là, on ne souffre plus de ces pensées-là. Fait qu'ils vont t'envoyer dans la tête que... Ils peuvent t'envoyer dans la tête que tu vas avoir une maison de 150 000 piastres. Après ça, ils vont te couper ça de la tête complètement. Fait que tu n'y penseras plus, tu n'en souffriras plus. Tu te casseras plus la tête, tu t'intéresseras plus à la maison. Puis viendra le temps où peut-être ta belle-mère elle va mourir, puis elle va te laisser de l'argent, tu vas t'acheter ta maison. Les autres le savent, toi tu le sais pas. Mais ils t'ont mis une pensée qui t'a indiqué ça dans l'avenir, mais ils te l'ont coupé pour parce que tu es rendu à un point où tu ne souffres plus de tes pensées. Mais avant ça, pendant le temps où vous souffrez encore de vos pensées, réalisez que des pensées que vous avez au niveau de votre corps de désir sont des pensées qui ne sont pas ajustées, vous réalisez que le temps est bien important. Sans ça, vous allez souffrir. Puis ils vont vous en mettre des pensées. Ils vont vous mettre des pensées de changer de job, ils vont vous mettre des pensées de vous ouvrir, de travailler à votre compte, des pensées d'avoir votre petite maison, votre petit patelin tout seul, quelque part dans la campagne. Ils vont vous mettre toutes sortes de pensées qui coïncident avec l'individualisation, le retirement de la société, ainsi de suite. Ils vont vous mettre toutes sortes de pensées. Des pensées que vous n'aviez pas avant. Y en a-t-il qui ont eu ça, cette expérience-là, qui comprennent ce que je veux dire? Oui. Non? Ah, ça vient lentement. Tu commences à avoir ces pensées-là. Des pensées, tu n'aurais vraiment pensé à ça avant. Avant, tu travaillais avec eux, tu étais travaillé avec eux jusqu'à 65 ans. Là, tu t'aperçois que tu commences à avoir plein le cul avec eux. Fait que faut que tu trouves d'autres choses avec eux, après avec eux. Tu n'aurais pas pensé à ça avant parce que le travail n'a pas commencé, mais quand tu commences le travail, là, tu commences à avoir des drôles de pensées. Fait que c'est à partir de ce moment-là, quand vous commencez à avoir des pensées que vous n'aviez pas avant, des pensées qui coïncident avec votre plan de vie futur, des pensées qui coïncident avec un avenir quelconque, des pensées qui coïncident avec un avenir certain, mais dont vous ne connaissez pas tous les aspects, c'est à ce moment-là que c'est important pour vous autres de comprendre l'importance de travailler avec le temps. Puis sachez que les pensées qui coïncident avec des événements dans l'avenir, ils vont être proportionnellement loin dans l'avenir à votre corps de désir. Alors, plus votre corps de désir est grand, plus les pensées vont coïncider avec des événements qui vont être loin. OK, Claude? Demain, ça marche. C'est totalement... C'est une science pure. C'est mécanique. Les lois de l'homme et les lois de l'esprit sont des lois très précises. C'est parce que l'homme ne réalise pas ces lois-là qui arrivent. Qui n'en comprend pas les aspects. Ce sont des lois extrêmement précises. Moi, quand il me disait, tu ne commenceras pas à travailler avant 10 ans, laisse-moi dire, je n'ai pas commencé avant 10 ans à travailler. 10 ans! C'est là en maudit 10 ans pour un gars comme moi. 10 ans! Tu travailles en industrie dans un an, mais ce n'est pas là. 10 ans, c'est 10 ans. Je n'ai pas commencé un mois avant, ça a été 10 ans. Fait que travailler avec le temps, c'est extrêmement important. Puis éventuellement, quand on a compris ça, on ne souffre plus du temps. Et on connaît un peu de notre avenir. Et on alloue de recevoir dans notre mental des pensées qui coïncident avec notre avenir. De sorte que ça nous donne un peu... Vous savez que les enfants, ils font des petits dessins, puis ils signent des petits points. Tu mets tu enlignes tous les petits points puis ça te donne un canard. Bon, mais c'est un petit peu de même qui nous donne ça. Il nous donne une pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée, puis une autre pensée. Puis toutes ces pensées-là ensemble, ça donne un petit peu le portrait du canard demain. Fait qu'on a une bonne idée de ce qu'on va faire dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais si on ne comprend pas qu'entre les petits points, il y a du temps, puis que c'est eux autres qui runnent les événements, puis qu'on ne peut pas aller plus vite, parce que nos pensées, à cette heure qui sont intelligentes au lieu d'être purement subjectives, vont nous donner une idée d'un modèle de vie future qu'on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Fait qu'au niveau de notre ego, on peut facilement dire, ah, c'est impossible, je pourrais jamais avoir ça, je pourrais jamais faire ça. Mais au niveau de l'avenir qu'eux autres connaissent, en relation avec votre mutation, c'est très possible, ça. Très possible. Mais la possibilité de votre vie est toujours proportionnelle à votre plan de vie à vous autres. Ce qui est possible à Fernand... Comment ça s'appelle? Ce qui est possible à lui dans sa vie, puis ce qui est possible à moi dans ma vie, c'est deux possibilités pareilles. Ce que je peux faire dans ma vie, mais au niveau matériel, puis ce que lui peut faire, c'est deux paires de manches différentes. Mais dans ma vie, ce qui est possible pour moi, je peux le voir, puis dans sa vie, ce qui est possible pour lui, il peut le voir. Parce que les possibilités de notre vie sont en fonction de nous-mêmes, ne sont pas en fonction des autres. Fait que même si ta belle-mère ne peut pas voir ce que tu peux faire dans 5 ans ou dans 10 ans, toi, tu peux en arriver à le voir, puis quand tu commences à en arriver à le voir, tu commences à en souffrir le temps. Et le temps va servir à déconditionner ton corps astral, ton corps de désir, pour amener ton intelligence sous le parapluie d'une intelligence supérieure. De sorte que tu rentres dans l'intelligence, tu commences à voir des années d'avance, parce que c'est nécessaire pour nous autres de voir d'avance. Pas connaître d'avance, mais de voir d'avance. Parce que c'est ça qui, éventuellement, quand on est devenu extrêmement sensible et qu'on a beaucoup souffert et qu'on a droit à la paix, c'est ça qui nous donne la joie de vivre. Et un homme doit pouvoir savoir ce qu'il a besoin dans sa vie pour être bien. Pour avoir une joie de vivre matérielle, je parle. Je parle pas du mental, parce que dans ce temps-là, tu n'as plus de problèmes psychologiques. Fait que des problèmes intérieurs, des problèmes psychologiques, tu n'en as plus. Fait que quand tu n'as plus de problèmes dans ta tête, tu as besoin d'autre chose. Tu as besoin de choses dans ta vie qui te permettent de vivre ta vie vide, pleine, sans problème. Alors, à ce moment-là, tu as besoin de certains objets, que ce soit une maison, ou une chaloupe, ou un bateau, je ne sais pas où. Ça, c'est tout en fonction de vivre avec le temps. Et c'est ce qu'ils ont eu toujours le plus de difficultés à enseigner à l'homme, parce que pour comprendre ça, il faut réellement le comprendre selon les lois explicatives de l'intelligence. Il ne s'agit pas pour nous autres d'être assis sur nos fesses et attendre que ça nous arrive. Il s'agit pour nous autres de savoir que ça va nous arriver et de faire les mouvements de vie qu'on a à faire selon nos vibrations, puis éventuellement on en arrive à ça. Puis dans le domaine du travail, pour vous autres, c'est très important, parce que dans le domaine du travail, pour ceux qui sont pas confortables dans leur job aujourd'hui et qui sentent qui voudra changer de job, qui voudra avoir un autre job, ainsi de suite. Si vous sentez ça, éventuellement, ce que vous sentez va faire partie de votre intelligence et éventuellement va faire partie de ce que vous devez vivre à un autre niveau, dans une autre compagnie. Et là, le temps va entrer en jeu et vous ne pourrez pas aller plus vite que le temps. De sorte que vous ne devez pas lâcher votre job avant le temps. Vivre avec le temps, c'est connaître les lois de la patience qui nous permettent de réaliser la patience, qui nous permettent de vivre d'une façon totalement patiente, c'est-à-dire sans souffrir au niveau du corps de désir. C'est pas vivre passivement, c'est vivre activement, mais avec la compréhension que tel événement ne peut se manifester que dans un certain temps parce qu'il ne coïncide pas avec notre corps de désir, il coïncide avec l'intelligence. Et travailler avec le temps, quand on apprend à travailler avec le temps, si on est dans des conditions de vie qui sont pénibles, c'est très difficile. Si tu travailles avec le temps, tu n'as pas tellement de problèmes, tu as de l'argent, puis tu as ci, puis tu as ça, ça marche. Mais si tu as des problèmes financiers, puis tu es obligé de travailler avec le temps, là, c'est tough en maudit. Puis c'est à ce moment-là que tu dois apprendre à travailler avec le temps. Plus la vie est difficile, plus tu dois apprendre à travailler avec le temps, parce que c'est en apprenant à travailler avec le temps que tu vas pouvoir supporter le fardeau de la vie qui n'est pas encore en ta faveur, jusqu'à temps que les événements changent et que le tout en vienne à être en ta faveur. parce qu'il vient un moment qu'on s'aperçoit très bien que les pensées qui résolvent nos problèmes ne nous viennent pas de nous autres. On ne peut pas les construire, ces pensées-là. Quand on est inconscient, on les construit, ces pensées-là, avec le matériel émotif et mental, et automatiquement, on fait des gaffes. Mais quand tu deviens conscient que tu n'as plus de matériel émotionnel, tu n'as plus de matériel mental, que tu n'es plus capable de penser facilement, tu t'aperçois que tu es obligé d'attendre pour l'avoir, la pensée, c'est-à-dire l'avoir, la réponse au problème, et ainsi de suite. Puis c'est à partir de ce moment-là, tu es obligé de considérer le temps comme étant un facteur important dans la réorganisation matérielle de ta vie. Parce que notre vie matérielle est beaucoup plus près de leur intelligence qu'on s'imagine. Les événements de notre vie sont beaucoup plus près de l'intelligence universelle qu'on s'imagine. Tout est fait. Il y a des événements qui sont créés des années d'avance pour qu'on soit dans la map des années après. Vous comprenez ça? Puis après ça, il faut tout redéfaire ça. Ce qui a été fait pour nous mettre dans la merde a servi pour notre expérience, puis éventuellement, il faut qu'on en sorte de cette expérience-là, de cette merde-là. C'est là que le fait de travailler avec le temps devient important. Fait que c'est sans importance si on était dans la merde, parce que si on était dans la merde, ça fait partie de l'expérience, ça faisait partie des conditions de notre inconscience, le fait qu'on était totalement dehors de l'intelligence et qu'on a fonctionné en fonction de notre émotivité, de notre mental. Mais une fois qu'on devient intelligent, on n'est plus capable de souffrir ou de vivre une vie comme ça, fait qu'on est obligé de se sortir de cet étau-là. Et comment est-ce qu'on sort de cet étau-là en pouvant travailler avec le temps? Mais on ne conçoit pas travailler avec le temps tant qu'on n'est pas dans l'intelligence de l'ordre. L'ordre. L'ordre dans la vie de l'homme conscient, c'est cette qualité de sa vie qui fait que plus il avance dans la vie, moins il doit souffrir. C'est ça de l'ordre. Puis éventuellement, ça fait partie de ton vocabulaire. Tu vas réaliser que tu vas dire, ouais, c'est pas dans l'ordre cette affaire-là. Ça se tient pas cette affaire-là. Ça marche pas cette affaire-là. Parce que tu as l'intelligence que c'est pas ordonné, que c'est pas harmonisé à ta vie. Fait qu'automatiquement, tu vas être obligé de le faire sauter, tu vas être obligé de faire des changements pour éliminer ça, ce blocage-là. Parce que tu ne peux pas vivre une vie consciente et intelligente sans que tu vives cette vie-là dans l'ordre. Mais l'ordre ne viendra pas à toi tant que tu n'auras pas passé une certaine étape de temps. Et le temps que tu dois passer pour en arriver à cet ordre-là, il coïncide avec l'imposition du pouvoir de la volonté sur les événements de ta vie. Ils peuvent changer ta vie, même eux autres. Il n'y a rien qu'à faire crever ta belle-mère et que ta vie a changé, à te laisser 100 000 piastres. Toi, tu ne sais pas, par exemple. Ils peuvent te faire gagner un ticket à l'Auto-Québec, c'est eux autres qui rendent le choix en compte. Ils ne sont pas forts, ça. Je suis sûr que parmi vous autres, il n'y en a personne qui a jamais gagné plus que 25 000 piastres. Y en a-tu un qui a gagné plus que 25 000 piastres dans ça? Hein? Combien? Combien? Tu as gagné 25 000? En 3 ans? Non, je parle des lotos, des loteries. Hein. Des loteries. Et plus on travaille sur les lois vibratoires de l'intelligence cosmique, moins on est sujet à gagner. Plus vous travaillez sur les lois de l'intelligence cosmique, moins vous êtes sujet à gagner dans les loteries. Parce que gagner dans les loteries, c'est pour les gens qui sont très astrales. Moins tu es astral, moins tu as une chance de gagner dans les loteries. Si jamais tu arrives à gagner dans les loteries, c'est parce que tu es bien mental, puis ça fait partie d'un pouvoir qui te donne ça. Puis là, tu tombes dans une autre catégorie du pouvoir de l'intelligence sur la matière. Laisse-moi dire à ce temps-là, tu n'as plus grand égo. Alors, les gens qui gagnent les loteries, ce sont des gens qui ont une certaine astralité. Mais ce n'est pas en relation avec les lois de l'intelligence que ça. Donc, autrement dit, les gens qui sont directement, qui sont très près de l'intelligence cosmique, n'ont pas nécessairement des vies matérielles faciles sur le plan matériel. Mais ils ont des vies matérielles qui peuvent être construites avec le temps, qui coïncident avec des conditions parfaites pour eux. Et même des conditions qui peuvent être extrêmement avantageuses. Mais le temps, c'est le facteur. C'est est le grand facteur. Pour l'homme, ça a toujours été mystique, le temps. Mais quand tu es conscient, c'est plus mystique, c'est extrêmement concret. Parce qu'il vient un temps quand tu te conscientises où tu en arrives à souffrir de... T'en arrives à souffrir de l'avenir, t'en arrives à souffrir. Tant que t'as pas les choses de base. Tu sais, vous savez qu'on a des choses de base. Chaque homme dans sa vie a des choses de base qu'il a besoin. Chaque homme. Chaque homme. Mais tous les hommes ne savent pas ce qu'ils ont besoin dans leur vie. Qu'est-ce que tu as besoin dans ta vie, toi? Pour être bien. Bien d'argent. Bien d'argent, du confort. Pas me casser la tête pour. Ouais, mais ça me dit rien. Là, tu me racontes une histoire. Je veux que tu me dises qu'est-ce que tu as besoin dans la vie. Autrement dit, tu dis que tu as besoin d'argent et du confort. Mais tout le monde peut dire ça, qu'ils ont besoin d'argent. Mais qu'est-ce que c'est à l'intérieur de l'argent et du confort qui serait une connotation de ce que tu as besoin dans la vie? Qu'est-ce que c'est que tu as besoin dans la vie? Non. Des objets dans ta vie que tu as besoin. Qui coïncident avec bien de l'argent et du confort. Ben, tu expliques. Ah, ça me dit rien. Sois tu sais pas ce que tu as besoin dans ta vie. Si tu me disais dans ta vie, j'ai besoin d'un hockey, là je dirais, ouais, tu as besoin d'un hockey. Ben, j'ai besoin d'une maison comme je veux, j'ai besoin d'une ferme comme je veux, j'ai besoin d'une. Ah, t'as besoin d'une ferme. T'as besoin d'une ferme. Ouais. T'en as pas de ferme, là? Non, ben, elle est trop petite. Elle est trop petite. Tu veux une ferme? Toi, c'est quoi que tu veux dans. Qu'est-ce que tu as besoin? Pas veux, besoin pour être bien. Tu sais pas encore? La paix a coïncide avec des objets, éventuellement. Pas tout de suite. La paix, au début, c'est dans ta tête. Mais quand t'as la paix dans ta tête, elle coïncide avec des objets. D'ailleurs, je vais en parler de ça. Au début, quand tu rentres dans l'énergie, la paix, quand même, t'as la bain des objets, ça change rien parce que tu souffres trop dans le mental. OK? Tu souffres trop dans le mental. Comme même quelqu'un dirait, m'a donné 100 000 piastres, ça va rien changer dans ta vie. T'es pas... Parce que c'est pas de l'argent que tu as besoin à ce stage-là, c'est la paix. Mais quand tu as la paix, quand tu es capable de penser, quand tu ne souffres plus psychologiquement, tu as besoin d'autre chose. Là, tu as besoin du matériel. En général, chez l'homme, c'est en l'envers. Les gens ont le matériel et ils sont plein de problèmes dans leur tête. Ça, c'est l'homme inconscient. Quand tu commences à te conscientiser, tu commences à souffrir dans ta tête pour éliminer les problèmes dans ta tête, puis tu n'as pas de matériel, puis tu n'es pas intéressé à ça, anyway, quand tu souffres trop dans ta tête. Mais quand c'est fini, ça, puis c'est clair, cette affaire-là, puis tu vis plus, tu souffres plus psychologiquement, tu as besoin de quelque chose pour balancer tes vibrations. C'est là que ça rentre en jeu de savoir à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a de besoin? Fait que toi, tu as besoin de la paix parce que tu as encore des problèmes ici. Quand tu n'auras plus de problèmes ici, c'est plus de la paix que tu auras besoin, ça sera de l'argent. Comprends-tu? Moi, j'ai plus besoin de paix. Moi, je peux en vendre. Ce que j'ai de besoin, moi, c'est des objets. Un hockey. Comment ça? Toi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as besoin, toi?